1, 2, 3. Avec un casque de manteau et des gants de cuir, tout le monde était content. Non, y'avait personne, non, personne, non, personne, non, personne qui fuyait la police. Tout ce qu'on avait à fuir, c'était le mauvais temps et les intempéries. C'était comme ça, c'est tout ce qu'on faisait de plus. Et c'était discuté autour d'un café. De cette randonnée, de manteau touriste. Le monde.